Chapitre 5. Les sièges protestants, suite. Comment vint le nom de Montgomery, le sieur de Sourdeval, Boissuzé et les 78. Belle-Île et Kérolo. Le dernier siège, la fin des merveilles. 1. La mort du vaillant capitaine fit lever le siège de Pontorson, et Mercœur, comprenant l'importance extrême du Mont-Saint-Michel, qui redevenait encore une fois le seul point de la basse Normandie non soumis à l'ennemi, pourvut à sa défense avant de rentrer en Bretagne. Il nomma pour gouverneur Jacques de Louvat, sieur de Boissuzé, qui soutint l'attaque la plus connue entre les innombrables assauts livrés au Mont, la seule, à vrai dire, dont le souvenir soit resté très populaire dans les campagnes de la côte, entre Granville et Saint-Malo. Ce fut du temps de ce Louvat de Boissuzé que les celliers formant le rez-de-chaussée de la Merveille gagnèrent définitivement et de la façon la plus tragique leur nom de Montgomery. 4 sources anciennes fournissent les détails de cet assaut vraiment terrible. Don Huyn, Don le Roi, Don de Caen et le manuscrit 13818 fonds latin de la Bibliothèque nationale traduit par M. V. Jacques dans son livre sur le Mont-Saint-Michel. Ce dernier récit, probablement contemporain, nous servira de fil conducteur. Le cadet de Montgomery, Gabriel, comme nous l'avons vu, s'était sauvé lors du brillant fait d'armes de la Moricière en 1589. Son frère Jacques, M. de Lorge, après être resté prisonnier pendant quelques mois, s'en alla se faire tuer devant Dole, et Gabriel, devenu chef d'armes, se jeta dans Pontorson qu'il défendit avec beaucoup de vigueur. Il y était quand la Moricière trouva la mort aux murailles. Le siège ne fut pas plus tôt levé que Gabriel de Montgomery, qui gardait rancune de sa récente et si dure défaite en la ville du Mont, songea à prendre sa revanche. Celui-là ne croyait guère aux anges, quoiqu'il portât le nom du plus puissant de tous après le chef des milices célestes. Il se mit en rapport avec un mauvais homme, Picard ou Normand, du nom de Goupigny, qui avait été condamné à mort pour crime en la ville de Caen et qui était parvenu à s'échapper la corde au cou. Boissuzé n'était pas difficile quant au triage de ses recrues et peut-être qu'il n'avait pas le choix. Ce Goupigny, s'étant présenté à lui, fut reçu au nombre des morte-paix de la garnison. Il fit aussitôt connaître son entrée au Mont à l'un des lieutenants de Montgomery, enragé huguenot, le sieur de Sourdeval, qui lui promit 200 écus d'or pour être introduit, lui et un nombre déterminé de soldats hérétiques, dans la place. Le système de guindage appelé les poulains restait dans le souvenir de tous ceux que la Moricière avait si rudement tancé. Puisque la roue avait servi une fois, elle pouvait servir deux. Il fut parlé à Goupigny de la roue comme moyen de gagner son argent. Il accepta les 200 écus d'or et promit de descendre les cordages. Eut-il des remords, ou l'idée lui vint-elle d'être payé deux fois? L'un et l'autre ont été dit. Le fait certain, c'est qu'il révéla tout le plan à M. de Boissuzé, qui lui ordonna, sous peine d'être pendu, d'agir comme si le projet tenait bon. Ainsi fut fait, et l'on convint d'attendre le premier gros brouillard. C'était bien la saison favorable, la fin des chaleurs, les semaines qui suivent l'équinoxe d'automne, on ne pouvait attendre longtemps. En effet, le matin de la Saint-Michel, 29 septembre 1591, un brouillard se leva si épais que plus de 200 hommes, en plein jour, purent traverser la grève, venant du hameau de Moidret, sans être signalés par les guettes. Ils se massèrent en silence entre la chapelle Saint-Ambert et la tour du Guindage, au lieu même où la Moricière et ses fidèles s'étaient cachés en 1589. Gabriel de Montgomery était là, le sieur de Sourdeval aussi, et Chasse-Guay et plusieurs capitaines huguenots. Toutes choses se présentaient bien, il semblait que ce fût parti de plaisir. On n'osait faire, il est vrai, aucun signal, de peur de donner l'éveil, mais Goupigny, les poches pleines, était là à son poste de trahison, car on entendit bientôt descendre les câbles des poulains. Le plus hardi huguenot monta. On le vit disparaître dans le trou béant du cellier par où les provisions s'engouffraient d'ordinaire, et le silence se fit pendant que le câble doucement redescendait. Il est aisé de se figurer que les huguenots avaient déjà perdu de leur gaieté. La nuit tombait, Ce silence était plein d'effroi, d'autres montèrent, il y en eut 78 à monter, sans qu'un bruit quelconque permît à Montgomery et à sa troupe d'augurer ce qu'était devenu ce qu'on avait vu disparaître ainsi. Pourtant, nul n'hésita tant qu'il ne s'agit que des soldats, mais les rangs commençaient à s'éclaircir au-devant des chefs qui voyaient leur tour venir. Sourdeval interrogea Goupigny à voix basse, et celui-ci répondit de même que tout allait au mieux. Montgomery, à demi rassuré, fit cette lugubre plaisanterie de demander qu'on lui jetât un moine, car, dit-il, ceux qui étaient en haut étaient assez maintenant pour besogner. L'instant d'après, un moine ou quelque chose qui ressemblait à un moine tomba à ses pieds. « Moine vole !» cria Sourdeval, comme cela se dit au jeu du pigeon, et il s'élançait déjà vers la corde. Jamais homme ne fut plus près de sa mort, car au bout de cette même corde, voici ce qu'il y avait. Derrière la baie ouverte du cellier, la route était libre, mais dans l'autre salle, au-delà de la porte épaisse, les soldats de Boissusé étaient rangés à droite et à gauche, l'épée à la main. Le premier huguenot en entrant avait reçu un bâillon mouillé sur la bouche et 10 épées dans la poitrine. Le second pareillement, et ainsi de suite 78 fois, sans qu'une seule parole eût été prononcée. Le manuscrit cité dit en rapportant cette horrible exécution qu'on entassait les corps de ces malheureux en ordre, les uns sur les autres, comme bûches de bois dans le bûcher. Heureusement pour Sourdeval, Montgomery l'arrêta, quoique, certes, il n'eût point pu reconnaître dans l'obscurité profonde que le prétendu moine, si docilement précipité, n'était autre que l'un des huguenots mis à mort qu'on avait désarmé et déguisé sous un froc. Montgomery, à qui la prudence venait, déclara qu'il voulait voir un de ses soldats favoris, nommé Rablotière, qui était monté dès le commencement. Par hasard, Boissusé connaissait aussi ce soldat et avait ordonné qu'on l'épargnât. Il alla donc le chercher lui-même, lui promettant la vie sauve et sa fortune faite s'il voulait dire que le moustier était à Caen pour engager les autres à monter. Mais ce Rablotière se trouvait être un homme de cœur. Aussitôt arrivé devant la roue, il cria du plus haut qu'il put « C'est trahison, c'est trahison !» À quoi Montgomery, Sourdeval et le restant des huguenots, ne prenant point souci de répondre, se jetèrent à travers les roches pour reprendre plus vite que le pas le chemin de Pontorson. Dans les derniers temps de la maison centrale, on a retrouvé au bas de la merveille les cadavres des huguenots qui durent être enterrés là, cette nuit même. Boissusé, personnage très sujet à caution, comme nous l'allons voir tout à l'heure, et que nous sommes bien éloignés de donner en exemple, laissa néanmoins la vie à l'intrépide Rablotière. Certes, le meurtre de ces 78 soldats fut un acte de sauvage cruauté, mais il ne faut pas le porter trop bruyamment au compte des catholiques, car le sieur de Boissusé ne servait la ligue qu'en passant. Au bout de peu de mois, nous le voyons trahir Mercœur et joindre les huguenots comme l'enfant prodigue revient à sa famille, et les protestants qui n'étaient pas gens à scrupules ne firent aucune difficulté à serrer cette main effroyablement sanglante. Henri IV, cependant, gagnait de jour en jour du terrain à mesure qu'il laissait voir l'attrait qui le menait vers la foi. Les vieux huguenots se défiaient de lui plus que les catholiques eux-mêmes, en qui l'idée de légitimité, dont les racines sont si profondes chez nous, combattait la répugnance religieuse. Sauf ce mal d'hérésie qu'il avait gagné au berceau, il était le roi. Il n'y avait point à cet égard deux opinions. La France n'aurait jamais accepté un maître protestant, c'est vrai, mais ces maladies qu'on apporte en naissance se guérissent par la grâce de Dieu, et d'un bout à l'autre de la France, il y avait des prières publiques et privées, des jeûnes, des offrandes, des pèlerinages, pour la conversion de celui qui était encore l'ennemi et qui allait être le père. Cette même année, Tombelaine fit sa soumission à Henri IV. Le Mont lui-même combattait toujours, mais il priait, et ses battements d'ailes qui accompagnaient les voix de Jeanne d'Arc devaient bruire déjà mystérieusement sous la tente du fils de Saint-Louis, aïeul de Louis XIV, aux heures de solitude. Cela fut dit en manière de raillerie par les huguenots qui s'écrièrent « Voilà Saint-Michel parti pour Paris !» quand ils virent disparaître un jour la statue d'or tournant sur son pivot et la pyramide qui la portait. mais dans les chapelles du rivage, les enfants orphelins, les veuves et les mères harassées de pleurer leurs époux ou leurs fils enlevés par la guerre, levaient les bras au ciel, et les pèlerins, bravant mille dangers pour traverser en procession les grèves, répétaient le naïf et pieux refrain du voyage de l'archange qui courait les campagnes « Michel au roi porte la foi ». Il y avait, hélas, une façon plus naturelle d'expliquer la disparition de la resplendissante statue que tout le pays naguère admirait. Le 22e jour de mars 1594, dit un manuscrit, fût brucelée la pyramide de la tour de l'église de ce lieu qui estoie la plus haute du royaume. Ensemble, l'édifice du rond-point de la dicte église avec 9 cloches qui estoient dedans, qui furent fondues par négligence de la chaînée Vaulouet à cause qu'il ne voulut bailler les clés de la dicte tour. Ce Lachesnais Vaulouet était le successeur de M. de Boissuset, lequel, reprenant l'odieux rôle joué autrefois par Robert Jolivet, essayait toutes sortes de trahisons contre le Mont, aidé en cela par Goupigny, son associé sinistre, dans le massacre des 78 soldats de Montgomery. Par 2 fois, Boissuset avait tenté la sourde escalade, et s'était vu la seconde fois surtout bien près de réussir. Les gens du Mont, instruits d'une nouvelle menée qu'ils tramaient, firent une sortie, et le surprendre, dit notre manuscrit, jusque-en sa maison, où, comme il résistoit, le tuèrent. Goupigny, mis à mort aussi dans Tomblaine, alla rendre compte de ces abominables forfaits. Tout n'était pas fini, cependant. La marche du roi vers sa conversion, les obstacles que les Huguenots y mettaient, la bonne envie, au contraire, que les catholiques avaient de lui abréger le chemin, jetait beaucoup de confusion dans cette guerre qui ressemblait déjà, pour un peu, à l'étrange écheveau politique embrouillé à l'âge suivant par les quarts d'heure de la Fronde. Les ambitions se gonflaient, la religion reculait au second plan, l'égoïsme se montrait à nu. Il était vraiment malaisé de se reconnaître au milieu des broussailles de l'intrigue foisonnant de tous côtés. Il semble que le refrain de Bretagne avait raison de ne rien voir de grand, sinon Saint-Michel, dans cette cohue de petitesse. Saint-Michel avait quitté sa tour, penché à l'oreille du Bourbon, il lui parlait tout bas. Au roi, il portait la foi. En son absence, voici que sa montagne, restée à la garde de la Ligue, va être envahie par des ligueurs en un sanglant mais puéril combat, qui a couleur de roman plutôt que d'histoire. Lachesnais Vaulouet, brave gentilhomme et qui remplit sa charge sans reproche, était gouverneur de Fougères en même temps que capitaine du Mont. Quand il mourut, le duc de Mercœur ne jugea point à propos de réunir de nouveau dans la même main ces 2 postes si importants mais si distincts. Il choisit 2 grands amis, Oreste et Pylade, dit un chroniqueur, Charles de Gondy, marquis de Belle-Île, et Julien de la Touche, sieur de Kérolan. Un Breton de Bretagne et un Breton d'Italie. Belle-Île eut Fougères et Kérolan le Mont-Saint-Michel. À tort ou à raison, ces Gondis ont souvent passé pour gens de conscience élastique et pleins à déborder de leurs propres affaires. Pylade Kérolan fut content de son lot, mais Oreste Belle-Île non point du tout. Il garda rancune à son ami. On a supposé sans trop de preuves que son rêve était d'offrir le Mont à Henri IV pour gagner le bâton de maréchal de France. Le 23 mai 1596, veille de l'Ascension, disent nos manuscrits montois, qui rapportent très au long l'aventure, M. de Belle-Île, venant de Fougères, se présenta aux portes de la ville en bel appareil, escorté par 150 cavaliers maîtres, et M. de Kérolan descendit tout de suite à sa rencontre, les 2 bras ouverts, il y eut des accolades, échangées à foison, et Kérolan ordonna que la suite entière de monsieur son ami fût logée aux meilleurs endroits de la ville. Belle-Île refusa l'hospitalité qu'on lui offrait pour lui-même au château. Le lendemain, avec ses cavaliers maîtres sous les armes, il se dirigea vers l'abbaye, dans l'intention, comme il le déclara, de visiter la place en sa qualité de gouverneur de la Basse-Normandie pour la Ligue, sans parler de sa dévotion à l'archange qu'il voulait aussi satisfaire. Il trouva dans la barbacane Henri de la Touche, frère de Kérolan, qui lui fit accueil et rendit honneur. Seulement, à la vue d'une troupe si belle et nombreuse, qui semblait une armée prête à en venir aux mains, Henri de la Touche pria M. de Belle-Île qu'il voulût bien entrer, suivi de très peu de gens, à cause des ordonnances royaux dont la teneur est soit formelle. Belle-Île tomba d'accord, et la Touche fit aussitôt ouvrir la porte, avec ordre à ses gens de la fermer derrière M. le gouverneur. Kérolan arrivait de l'intérieur à cet instant par l'escalier du Châtelet, et se montrait joyeux d'une si amicale visite. À peine M. de Belle-Île l'eut-il aperçu, qu'il feignit tout à coup de la colère et imposa silence de la main à la mousqueterie qui saluait son entrée. En même temps, comme les cavaliers maîtres élevaient la voix, repoussés qu'ils étaient par le caporal de garde selon l'ordre reçu, Belle-Île se retourna plein de courroux, criant de grosses voix « Mes gens entreront avec moi, ou avec eux je sortirai ». M. de Kérolan, au désespoir, criait de son côté « Ouvrez, ouvrez donc, si c'est le souhait de monsieur mon ami ». Mais Belle-Île tira droit au caporal, et lui reprochant d'avoir manqué au respect, il dégaina contre lui, et ainsi le tua raide. Presque au même moment, le frère de M. de Kérolan, le sieur de la Touche, tombait, percé d'un traître coup, et rendait l'esprit. Alors, Didon de Caen, tous les gens du marquis de Belle-Île mirent aussi la main à l'épée et au pistolet. Le flot des cavaliers maîtres poussa la porte entr'ouverte, et les voilà tombant avec fureur sur la garnison qui venait de décharger ses armes en signe de réjouissance, et qui d'ailleurs était bien loin de s'attendre à cette monstrueuse attaque dont l'histoire ne s'est pas autrement émue. Il est certain que la trahison est chose contagieuse. On s'y fait. La multitude des vilainies, fruit de ces détestables guerres, laissait des miasmes dans les cœurs. Le meurtre devenait une habitude. Nous devons faire remarquer pourtant que cette attaque d'un ami contre son ami, d'un supérieur contre son subordonné, d'un catholique contre un catholique, sans cause avouable ni prétexte, fut tout particulièrement acharnée et barbare. Le pauvre loyal Kérolan, qui n'eut d'autre tort que sa confiance, reçut à lui seul 18 blessures et fut poursuivi jusqu'au seuil de la basilique où il entra pour tomber comme mort. Ici, le manuscrit cité de la Bibliothèque nationale s'éloigne de Don de Caen aussi bien que de Don le Roi, et nous le suivons pour un instant. « Monsieur de Kérolan, dit-il, désia blessé de tout costé, se réfugia dans l'église où 5 soldats vinrent relier avec lui et, sachant bien que la victoire est à Dieu, se prosternèrent en terre, suppliant sa divine majesté d'envoyer une troupe d'anges. Puisque ce 5 lieux est-toi consacré en l'honneur du glorieux Saint-Michel et de tous les esprits angéliques, qu'ils vinssent au défaut des hommes le défendre et le protéger. Or, il est vrai que les anges ne vinrent point, mais la prière monta au pied de Dieu, car la fin de l'histoire racontée de façon uniforme par tous les auteurs présente une péripétie tout à fait inexplicable. D'abord, les gens de Belle-Île ne franchirent point la porte de la basilique, quoiqu'elle fût ouverte. Ensuite, les servants du monastère et, dit-on, les religieux eux-mêmes, armés de tout ce qui peut faire arme, se rangèrent en bon ordre sur le saugotier et marchèrent en avant, guidés par les 5 soldats auxquels se joignit l'écuyer de Kérolan. Il ne s'agissait pas de vengeance. Cette poignée de combattants, dont l'apparence était faite pour exciter la risée et la compassion, ne voulait pas que le sanctuaire de Saint-Michel fût pris. Voilà tout. Ils allaient, faibles, mais pleins d'espérance, contre toute une cohorte de fiers soldats couverts d'acier. Et Kérolan, incapable de se tenir debout, les suivait en se traînant sur les mains. Que pouvaient-ils faire? Ils avaient prié le prince du peuple de Dieu, ce cavalier vêtu de blanc qui allait autrefois devant le petit bataillon de Judas Maccabée, marchant contre l'immense armée d'Épiphane. Ils avaient appelé Saint-Michel au secours de sa maison. Saint-Michel était là, quelque part, car ce n'est pas un combat qui nous reste à raconter, c'est l'exécution d'un arrêt. L'écuyer, qui descendait le premier et à qui personne ne barra le passage, fit feu de son pistolet quand il fut tout près de M. de Belle-Île. La tête de ce très puissant homme fut fracassée dans son casque. Il tomba comme gibier à la chasse. ses lieutenants, le sieur de la ville basse, le vicomte de la Vieux-Ville et Ville-Valette, ne songèrent ni à le défendre, ni à se défendre. On les fit prisonniers, et les cavaliers-maîtres, saisis d'une panique dont on cherche en vain la cause, sautèrent sur leurs montures pour se disperser à travers les grèves. Ainsi point de miracle, nul n'a jamais dit qu'il y eut miracle, mais prions Saint-Michel, opprimés que nous sommes sous le pied d'un implacable vainqueur. Nous aussi, nous avons laissé par confiance et par surprise l'ennemi entrer dans nos maisons. Nous aussi, nous sommes couverts de blessures. Prions Saint-Michel et au-dessus de Saint-Michel, la Vierge Immaculée, et au-dessus encore, le cœur divin de Jésus. Le cavalier vêtu de blanc ne se montre pas tous les jours, mais tous les jours les sages de ce monde s'émerveillent en voyant la faiblesse du juste percer sa route au plus épais de l'impossible. Et combien de fois ceux qui sont encore tout jeunes n'ont-ils pas eu déjà pitié de l'impie couché dans la poussière? Si jamais mort d'homme mérita peu d'être vengé, ce fut celle de Charles de Gondy, marquis de Belle-Île, et pourtant le fidèle souvenir de sa femme, la belle Antoinette d'Orléans-Longueville, greffa une autre tragédie sur la honte de ce drame. Là, du moins, ce fut le crime d'une âme noble, un instant égarée, expié plus tard dans la prière et dans les larmes. Antoinette d'Orléans apprit la fin violente de son mari par un de ces aventuriers dans le genre de Goupigny qui allaient d'un camp à l'autre, colporteurs et marchands de leur propre conscience. Il avait nom Nicolas le Moqueur, sieur des Vallées, et pour quelque méchante raison sans doute se faisait appeler le Hou. La conduite généreuse de Kérolan fut travestie et la veuve du véritable assassin, qui était Belle-Île lui-même, ne rêva plus que vengeance. Le Moqueur traita de cette affaire et la prit à forfait. Il revint au Mont, où ce vrai chrétien de Kérolan, pardonnant tout, la trahison, ses blessures et le meurtre de son frère, avait fait à Gondy, l'ami de sa jeunesse, de nobles funérailles. Il n'était pas difficile de s'introduire auprès d'un pareil cœur, il suffisait de s'avouer malheureux. Nicolas le Moqueur se présenta comme un pauvre gentilhomme, persécuté pour quelques fredaines de guerre, et fut accueilli à bras ouverts. Pendant 2 années entières, il se réchauffa dans le giron du bon capitaine en attendant son heure. L'heure vint et la vipère mordit. Une fois que le bon capitaine était sorti à pied sur la grève pour faire la conduite à quelques visiteurs, car il était la simplicité même, Nicolas le Moqueur monta son propre cheval, prit ses propres pistolets et les lui déchargea dans la nuque à la vue de toute la place du Mont. Il put s'enfuir, on le condamna à être roué vif, mais il eut le temps de toucher le prix de sa besogne, car il ne fut pris que 7 ans après, en la ville de Paris, et exécuté à Coutances le 6 juillet 1606. À la fin de son récit, qui diffère très peu du nôtre, Don de Camp ajoute, il, Kérolan, fut enterré dans une chapelle proche la tour de cette église, auprès de son frère, celui que Belle-Île avait tué. Il ne laissa qu'un seul fils, Pierre de la Touche, alors âgé seulement de 3 mois et demi, depuis conseiller au Parlement de Rennes, lequel nous envoya en ce Mont Saint-Michel toute cette histoire bien au long, l'an 1639, qu'il a tirée des originaux et procès-verbaux qu'il a chez lui. Antoinette d'Orléans-Longueville, veuve du marquis de Belle-Île, se repentit. Elle prit le voile aux Feuillantines de Toulouse, devint coadjutrice de l'abbesse de Fontevraud et fonda la congrégation du Calvaire. En 1618, elle mourut en odeur de sainteté. Le récit de ce dernier assaut et de ses suites singulières nous a entraînés hors des dates. Henri IV était sacré roi de France depuis le 21 mars 1594. 3 ans après, Mercœur avait fait sa soumission au père des Bourbons, devenu catholique. Et quand le Moqueur assassina Kérolan, le Mont de l'Archange et son capitaine étaient déjà rendus à la défense de l'autorité de foi légitime selon la loi divine et selon le droit humain. « Voilà donc, s'écrit le chroniqueur dans sa joie de français et de catholique, voilà donc le Mont délivré de ses agresseurs. Il demeure fixe et stable et plus splendide que jamais. N'est-ce pas chose étrange que depuis 900 ans, en ça et plus, la place de Saint-Michel n'ai jamais été réducte. Pour moi, je ne vois rien de plus admirable, ni qui fasse mieux comme Noastre, combien Dieu a ce saint lieu pour agréable, gloire à lui. Et il répète ailleurs, gloire, gloire, gloire à lui seul auteur et maître de tant de merveilles. Nous n'avons point parlé du cardinal abbé de Joyeuse, à quoi bon ? Les abbés, en vérité, depuis Robert Jolivet, avaient plus nuit que servi au dessein de Dieu, qui, du haut de la montagne élue, épandait le mystérieux sur Sum Corda, comme un souffle de vie invincible dans l'agonie des guerres étrangères et civiles, au plus profond des angoisses de la patrie. L'ange, en ses derniers jours, avait mené tout seul sa longue et victorieuse bataille, supérieur direct de ses religieux et commandant immédiat de ses soldats. Il pouvait remettre au fourreau l'épée miraculeuse prêtée un jour à Jeanne d'Arc, puisque sa merveille suprême et la plus éclatante était accomplie. Le cher ennemi de Rome avait reçu le pardon et la bénédiction du pontife romain. La France catholique avait vaincu, la fille aînée de l'Église retrouvait son roi très chrétien. C'est la fin de l'épopée surnaturelle qui plana au-dessus des événements de ces siècles, et notre œuvre touche à son terme, mais l'archange, prince du peuple de Dieu, avant de replier ses ailes, non point pour toujours, fendit l'air encore une fois, si l'on en croit le théâtre d'honneur et de chevalerie, qui parle ainsi. En cette heureuse journée de l'entrée à Paris, 22 mars 1594, Henri le Grand, IV du nom, rendant grâces à Dieu dans l'église de Notre-Dame, par toute l'assistance en indicible nombre, près de sa majesté fut vu Saint-Michel Archange, gardien de la France, en façon d'un jeune enfant, signalé par excellence en beauté et revêtu de blanc, ainsi qu'ordinairement les peintres nous dépeignent les anges, qui, tout le long de la cérémonie, se tint au côté droit du roi, et Issel Fini disparut aussitôt, sans que l'on pût savoir quelle route il avoit prise, dont le roi, qui la voit fixement contemplée tout le long de la messe, fut esprit en son cœur de telle réjouissance qu'il dit tout haut, « Nos ennemis sont bien perdus, puisque Dieu nous envoie ses anges à secours. » Mieux que personne, le Français par excellence Henri de Bourbon pouvait reconnaître le messager céleste qui, selon la légende de nos rivages de l'Ouest, au roi portait la foi.